الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Quant à la semaine dernière, on avait traité de plusieurs sujets, toujours en rapport avec les rites funéraires. Et le premier chapitre qu'on avait traité, c'était l'interdiction de prier, de faire la prière mortuaire pendant les horaires où il est interdit de prier. Ces horaires qui sont en nombreux de trois, qui sont Naam. Au moment où le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève, ensuite, بعد الظهر أو قبل الظهر, قبل الظهر, un peu avant l'heure de dhuhr, et le troisième, au moment où le soleil se couche, jusqu'à ce qu'il se couche. Donc ce sont les trois heures dans lesquelles il est interdit, selon l'avis de l'auteur, et selon l'avis de d'autres savants, il est seulement déconseillé et non interdit. Et ensuite, on avait parlé du mérite de prier sur le mort, sur un mort. Quel est le mérite de prier sur un mort? Le professeur Hassan nous a informé d'une récompense qu'aura celui qui prie sur un mort, qui est de deux qirat, seulement pour celui qui prie. Celui qui prie, là, il a deux qirat ou il en a un seul? Il en a un seul. Et c'est celui qui prie sur le mort et qui le suit jusqu'à ce qu'il soit enterré, c'est lui qui aura la récompense de deux qirat. Et le professeur Asselem a informé que le plus petit des qirat a la taille de la montagne de Uhud. Et on avait aussi traité du chapitre qu'il est interdit de suivre un cortège funéraire en faisant ou en accompagnant de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait cité certains exemples de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala durant le suivi du cortège funèbre. La première de ces désobéissances était qu'est-ce qu'il est interdit de faire quand on suit un cortège funèbre? D'élever sa voix en pleurant, cela est interdit. Mais également, qu'est-ce qu'on avait dit? Vous étiez là la semaine dernière ou pas? De devant lui. On n'a pas le droit d'être devant lui? Non, c'est pas le droit. Là, on parle des choses qui sont interdites à faire. D'allumer des bougies, d'allumer des feux, et d'allumer des brasiers, mais aussi de l'encens, ça entre dans la fumée et le parfum, les bougies, etc. Non. On a dit qu'est-ce qu'il est interdit de faire. Pour l'instant, on reste sur les choses qui sont interdites de faire pendant lorsque l'on suit le cortège funèbre. De faire le rappel à voix haute, car cela ne faisait pas partie des actes des salafs. Nos salafs, radiallahu anhum, ne faisaient pas ainsi. Et ils détestaient même d'élever la voix pendant le suivi du cortège funèbre. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam détestaient cela et condamnaient cela, que tu élèves ta voix en disant, en faisant des invocations ou en lisant du Coran, etc., etc. Il ne fait pas partie de la voix des salafs, de nos pieux prédécesseurs, de nos pieux ancêtres, d'élever la voix lorsque l'on suit un cortège funèbre, que ce soit en faisant le takbir ou autre. Et il est encore, et la pire des choses est de suivre le cortège funèbre en accompagnant celui-ci de musique qui montre la tristesse des gens, etc. Une musique triste qui ne fait qu'accroître la peine des gens et l'accroître de façon interdite, car comme vous le savez tous, les instruments de musique en islam sont interdits. Et on avait ici parlé de l'obligation de s'empresser à enterrer le mort. Et on avait cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de presser le pas, de ne pas courir, mais de presser le pas lorsque l'on amène un mort et lorsque l'on amène à l'enterrement, au cimetière? Pourquoi? Non. Car si c'était une personne vertueuse et pieuse, alors c'est un bien que l'on lui apportera, et elle n'est plus vite, on lui apportera ce bien, et mieux elle se portera, et plus elle sera joyeuse. Et si la personne que l'on porte est une personne perverse, une personne qui n'était pas vertueuse, qui passait son temps à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors le professeur Hassan a dit فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. Et car ce sera, empressez-vous, car ce sera un mal dont vous vous débarrasserez. Et concernant le fait d'accompagner le cortège funèbre, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Où doit-on se positionner par rapport au cortège? Tout d'abord, on avait différencié entre deux types d'accompagnement. Celui qui l'accompagne à pied et celui qui l'accompagne en voiture ou sur une monture. Quant à celui qui accompagne le cortège funèbre dans une voiture ou autre monture, où doit-il se positionner? Derrière. Quant à celui qui marche, où il veut, que ce soit à droite, à gauche, devant ou derrière, mais le mieux, le préférable est de se mettre derrière, car cela est car en le suivant de derrière, on applique plus le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit wattabi'ul janaiz, et suivez les cortèges funèbres. Et lorsque l'on suit quelqu'un, la définition de suivre, c'est d'être derrière. Et on avait aussi cité la parole de Ali radhiyallahu anhu qui compare celui qui marche derrière le cortège funèbre à celui qui marche à droite, à gauche ou devant, en disant que le mérite de celui qui marche derrière est le même mérite que celui qui prie en groupe vis-à-vis de celui qui prie seul. Vous savez que la prière en groupe est 27 fois plus récompensée que celui qui prie seul. Et bien il en est ainsi, comme le dit Ali radhiyallahu anhu, par rapport à celui qui suit le cortège funèbre et celui qui se positionne à droite, à gauche ou bien devant. Ensuite, on avait parlé de l'invocation à dire lorsque l'on visite une tombe ou lorsque l'on est à proximité d'un cimetière. Quelle est l'invocation à dire? Assalamu alaikum ahl al-diyar. Min al-mu'minin wal-muslimin. Wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal-musta'khirin. Ensuite, وَإِنَّ إِنْشَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَإِنَّ إِنْشَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لَاحِقُونَ. Qui peut me traduire cette invocation? À part Béchir. Qui peut me traduire cette invocation? Assalamu alaykum, qui est la paix sur vous. أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. Qui sont أَهْلَ الدِّيَارِ. Ahl al-Qubur, les résidents, ceux qui habitent dans ce lieu qui est le cimetière. Salut à vous, ô vous les résidents de ces lieux, parmi les croyants et les musulmans. Ensuite, ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. كما فاس ميزيكورد احسنت. Et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui vont venir après. Et wa inna, et nous allons vous rejoindre inshallah. Et nous allons vous rejoindre inshallah. Wa inna bikum la lahiqun, et nous allons vous rejoindre par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout le monde va mourir. Pourquoi dire inshallah? On sait pas à quel moment. Parce que ouais, on sait pas si on va mourir musulman là. Non, on va tous mourir. Non. Que l'on soit musulman ou non, on rejoindra ces personnes qui sont sous terre un jour ou l'autre. Pourquoi dire inshallah? On sait pas quel sera le moment. Al-mashi'a huna, le fait de dire si Allah le veut, cela ne signifie pas si Allah veut que l'on meure, car la mort est décrétée pour chacun d'entre nous. Mais ici, il faut comprendre ce hadith du professeur Asselam, et nous vous rejoindrons lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé. Mais, dans tous les cas, nous vous rejoindrons un jour ou l'autre. Donc, Inch'Allah, si Dieu le veut, c'est-à-dire au moment où Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé. C'est la même chose pour la dua quand quelqu'un est malade, puis parlons de ça, Inch'Allah. C'est une dua, ça? C'est une dua, mais c'est la seule dua où il y a l'istithna walid. Comme le dit Cheikh Maqbi rahimahullah, que lorsque la personne invoque, on avait déjà vu concernant les invocations, comment est-ce qu'un musulman doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? En étant convaincu, en étant ferme, en étant sûr de soi. Lorsque tu dis oh Allah, entre-moi au paradis, tu ne dis pas ya Allah, adkhilni al-jannata in shi'ta ou inshaAllah. Non. Lorsque tu fais une dua, le professeur Sam a dit idha da'a ahadukum faly'azim fi du'a'ih. Lorsque l'un d'entre vous invoque, qu'il soit ferme dans son invocation. Sauf une invocation qui est celle que l'on fait au malade, de dire la ba's tahurun inshaAllah. Point de mal, tu auras la purification par la volonté d'Allah. Donc c'est la seule invocation où il y a al-istithna, ce que les savants appellent al-istithna, et c'est l'exception qui confirme la règle. Ensuite, on avait parlé de la quatrième chose à faire vis-à-vis du mort, qui est combien de choses doit-on faire lorsqu'une personne décède? Quatre. La première, de le laver. La seconde, de lui mettre le linceul. La troisième, de prier sur lui. Et la quatrième, de l'enterrer. Donc on avait parlé de l'enterrement, et on avait dit que l'enterrement était, que tout le monde devait être enterré, même les non-musulmans. Même les non-musulmans doivent être enterrés lorsqu'ils meurent dans un pays musulman. Quelle est la preuve? Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, lorsqu'il est décédé, Abu Talib est décédé en étant non musulman. Et lorsqu'il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à son fils, le fils de Al-Muttalib, Abu Talib, qui est Ali, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idhhab fawarah, va et enterre-le. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en déduit donc de ce hadith qu'il est obligatoire d'enterrer une personne lorsqu'elle meurt, même si elle est non musulmane. Et la sunna du professeur Hassan, c'est d'enterrer les personnes dans un cimetière. Un musulman, lorsqu'il meurt, on ne l'enterre pas dans son jardin, ni dans l'endroit qui nous est cher, qui est cher à nos cœurs. Non, un musulman, lorsqu'il meurt, on doit l'enterrer dans un cimetière musulman. Car c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui décédaient à son époque sallallahu alayhi wa sallam étaient tous enterrés dans un cimetière. Et ainsi les musulmans ont fait jusqu'à nos jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il soit enterré dans sa chambre, c'est une exception. C'est une exception pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on avait cité le hadith d'Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il a dit qu'il y a une chose qu'il n'a pas oublié, qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est non. Qu'est-ce qu'Abu Bakr radiallahu anhu a dit? Un prophète est enterré, qu'il soit enterré où il est mort. Non. Que lorsqu'un prophète décède, il décède dans un endroit où il aimerait être enterré. Où il aimerait être enterré, il a fait le monde, il l'a dit, yuhibbu an yudfana fihi, fadafanuhu fi mawdi'i firashihi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont donc enterré, yani, dans l'endroit où il y avait le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur son lit de mort, ils ont enlevé le lit et ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'endroit où était positionné son lit. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes que l'on doit enterrer dans l'endroit où elles sont mortes, qui sont les martyrs morts au combat. Qui sont les martyrs morts au combat, car le prophète sallam, lors de la bataille de Uhud, qui a été une grande perte, où il y a eu beaucoup de pertes humaines du côté des musulmans, beaucoup de compagnons ont pris les dépouilles pour aller les enterrer où? Dans le cimetière appelé Al-Baqi à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une personne afin d'ordonner ses compagnons qui étaient partis pour enterrer leurs frères dans le cimetière Al-Baqi. Il leur a ordonné de les enterrer dans l'endroit où ils étaient allongés. D'accord? Donc les savants ont déduit qu'il est obligatoire d'enterrer le martyr, celui qui est mort au combat, dans l'endroit où il a succombé. Il est interdit d'enterrer le mort dans deux cas, sauf en cas d'extrême urgence ou en cas de force majeure. La première des situations qui est la nuit. C'est une des deux. Quelle est la première? C'est le hadith qu'on a cité avant. Le premier hadith qu'on a cité, où il y a trois horaires durant lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier et d'y enterrer nos morts. Donc ce sont les trois heures, les trois laps de temps que l'on a cité au début du cours, qui sont au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève, au moment un peu avant le zénith, et au moment où il se couche jusqu'à ce qu'il se couche. Et le deuxième moment où il est interdit d'enterrer le mort, sauf en cas de force majeure, qui est d'enterrer la nuit. Et il y a un khilaf des savants, il y a une divergence des savants à ce sujet. Certains l'autorisent et d'autres l'interdisent. Et ceux qui l'autorisent utilisent des hadiths du prophète sallam, où le prophète sallam lui-même a été enterré la nuit. Le prophète sallam est décédé, on avait vu la semaine dernière, quel jour? Le lundi. Il n'a été enterré que le mardi soir. Et d'autres compagnons ont été enterrés aussi de nuit, comme par exemple l'homme ou la femme, il y a une divergence au niveau des versions du hadith, qui nettoyait la mosquée lorsqu'elle est décédée. Les compagnons l'ont enterré la nuit. Ils l'ont enterré la nuit. Et ils ne voulaient pas réveiller le prophète sallam, le réveiller de son sommeil pour prier sur elle. Ils ont donc prié sur elle et l'ont enterré de nuit. Certains savants utilisent ce hadith. Et les autres savants qui considèrent cela comme étant interdit disent que les compagnons de l'Anoum ont fait cela car ils avaient une raison de le faire. Et le prophète sallam a été enterré de nuit car le prophète sallam a été enterré de nuit ou a été enterré au moment où son successeur a été désigné. Et les compagnons de l'Anoum ne voulaient pas enterrer le prophète sallam tant qu'il n'y ait pas de successeur. Et lorsque Abu Bakr radiallahu anhu a été désigné comme étant le successeur, le guide des croyants et que les gens lui ont fait le pacte d'allégeance, alors les compagnons du prophète sallam se sont alors empressés de l'enterrer, et ceci le mardi soir. C'est qui a fait ça sur Allah alam, la adri. Takbirat. Allah alam, la adri. Je sais pas, Allah alam. Et lorsque un cas de force majeure oblige les musulmans à enterrer un mort la nuit, il est autorisé, comme on a vu la semaine dernière, de céder de chandelles, de bougies ou de lampes pour procéder à l'enterrement de façon simple et efficace. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non, du final il on lui considère que c'est le Cheikh Al-Albani rahimahullah a été enterré ba'd al-Maghrib. Non, il est enterré ba'd al-Maghrib. On considère que la nuit c'est yadus. Non, Cheikh Al-Albani rahimahullah ne considère pas que c'est que c'est autorisé, au contraire, lui il fait partie des savants qui considèrent l'interdiction de ça sauf en cas de force majeure, mais est-ce que al-Maghrib est considéré comme la nuit? Allahu a'lam. La ta. Et ensuite, concernant la tombe, comment procéder au fait de creuser la tombe? Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Qu'il fallait que la tombe soit avant la forme de L. Il faut qu'il soit profond, pas profond, large. Il faut qu'il soit profond, il faut que la tombe soit profonde. Il faut qu'elle soit large et il faut qu'elle soit wa tahsinu. La semaine dernière j'avais traduit par embellir, mais c'est une mauvaise traduction, c'est pas embellir mais c'est plutôt ajuster. Il faut que la tombe que les côtés soient droits, faut pas que les côtés soient en zigzag, etc. Il faut que la tombe soit creusée de façon correcte et de façon ajuster. Et ceci est une obligation, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Uhud, beaucoup d'entre eux étaient blessés et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire pour enterrer, pour creuser les tombes malgré leurs blessures. Ceci sera difficile pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, a dit ihfiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu. Creusez et élargissez et creusez en profondeur et ajustez. Ajustez et en y creusez de façon correcte et droite. Et concernant la tombe, on avait dit qu'il y avait deux sortes de tombes. La première appelée Al-Lahd et la seconde appelée Al-Shaq. Al-Lahd, qu'est-ce que c'est Al-Lahd? C'est-à-dire en forme d'aile. À quoi ça correspond Al-Lahd? Déjà, la première chose à faire quand on veut faire Al-Lahd, c'est quoi? Non? Il faut déjà creuser un rectangle. Et ensuite, lorsque l'on est dans ce rectangle, on a combien d'angles devant nous? On a combien de murs en fait? Quatre murs. Un devant, un derrière, un à droite et un à gauche. Al-Lahd consiste à creuser un de ces murs en face de nous, mais lequel? Le gauche. Le gauche? Celui qui est en direction de la Qibla. De creuser celui qui est en direction de la Qibla. Donc si la Qibla est devant, alors tu creuses le mur qu'il y a devant toi. Si c'est à droite, etc. Et Al-Lahd consiste à faire un trou mais à l'horizontale. Donc le trou est creusé et lorsqu'on a l'intérieur et qu'on a un mur, on va prendre l'exemple que la Qibla est en face, de creuser encore un trou dans le mur en face de nous pour pouvoir y introduire le mort. C'est ça Al-Lahd. Et donc quand on regarde une vue aérienne, on a une sorte de L, donc ça fait comme ça, d'accord? Et selon les terres, car certaines terres qui sont sableuses ne permettent pas de faire Al-Lahd, ne permet pas de faire un trou dans le mur, car la terre n'est pas rigide et elle s'affaissera automatiquement. Et vous verrez, dans, si vous avez l'occasion de suivre un cortège funèbre dans des pays musulmans, notamment en Arabie, vous verrez qu'ils font plusieurs étages au niveau du lahd. Dans le trou, dans le mur, ils font plusieurs trous, et dans chaque trou, ils déposent un mort. Ils creusent un profond trou, et le mur qui est dirigé vers la Qibla, ils creusent ou ils font plusieurs trous, et dans chaque trou, ils déposent un mort. Ça, c'est seulement quand ils enterrent plusieurs, ça, c'est quand ils enterrent plusieurs morts dans la même tombe. Non, là, c'est pas dans la même tombe. Là, chacun a sa tombe. Ah, donc, la tombe, c'est l'endroit où on met le mort. Ah, c'est pas le trou que l'on creuse. C'est ça, Allah, justement. Et à chaque, c'est justement de creuser un trou, de mettre le mort et de refermer. À chaque. De faire un trou, un rectangle profond dans le mur, dans la terre, de poser le mort et de reverser la terre dessus. Ça, c'est à chaque. Et Allah, chaque trou que tu feras dans le mur est considéré comme une tombe. D'accord ? Et concernant le fait de déposer le mort dans sa tombe, qui mérite le plus cela ? C'est sa famille, d'accord ? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah » et les liens de sang ont la priorité les uns des autres dans le livre d'Allah. Et ceux qui ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient Ali ibn Abi Talib, Al-Abbas, Al-Fadl et Salih, qui était un des serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est autorisé également au mari d'enterrer sa femme, de procéder à l'enterrement de sa femme, à condition qu'il n'y ait pas eu de rapport la veille ou la nuit précédente. Et s'il a eu un rapport la nuit précédente, alors que procède à l'enterrement de sa femme un autre homme, même s'il ne fait pas partie de sa famille. Et concernant les femmes, ont-elles le droit d'enterrer ? Non, elles n'ont pas le droit d'enterrer, car cela n'était pas connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui procédaient à l'enterrement, que ce soit l'enterrement d'un homme ou d'une femme, c'était toujours des hommes. Et ensuite, on avait dit que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rentrer le mort en commençant par... En entrant le mort par quel côté de la tombe ? Par le côté où seront les pieds du mort. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de dire pour celui qui dépose le mort dans sa tombe Bismillah wa ala millati rasulillah ou Bismillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la différence entre As-Sunnah et Al-Millah ? Al-Millah, c'est la tariqa Al-Sunnah. Et moi ? Et As-Sunnah ? As-Sunnah. C'est pas une... c'est... Quelle est la différence entre Al-Millah et As-Sunnah ? Bismillah wa ala millati Rasulillah ou Bismillah wa ala sunnati Rasulillah ? Ma huwa al-farq ? Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas. Sauf si... Non, mais là, là, chacun d'eux veut dire, lorsque l'on dit à la sunnati Rasulillah, c'est-à-dire selon la voie, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et al-millah a la même signification. Al-millah a aussi la signification de la voie, la religion, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque le mort est enterré, on avait dit al-lahd. Celui qui est enterré et pour lequel il a été creusé la tombe en utilisant la méthode de l'ahd, comment est-ce que cette tombe doit être refermée ? Avec des dalles ou des briques de terre battue, de terre cuite à la fois. De terre cuite, appelée en arabe al-labin. Al-labin en arabe. Et comment doit être refermée la tombe ? Les briques posées à la verticale et non à l'horizontale. Par rapport à celui qui est en L. Non, celui qui est en L, lorsque on a creusé le mur, qu'on a déposé le mort, on referme la tombe en collant des briques de terre cuite les unes à côté des autres. Les unes à côté des autres. Et ensuite, les savants disent, c'est de boucher les trous qu'il y aura en haut et en bas avec des pierres et de refermer le tout avec de la terre cuite. Comme le dit Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah. Et donc après l'enterrement, qu'est-ce qu'il est légiféré de faire? Qu'est-ce qu'il est préférable de faire? De faire l'invocation pour le mort, ça on va le voir, mais c'est pas ce qu'on a vu la semaine dernière. Jeter du sable sur la tête, non? Naam, de prendre trois poignées de sable et de les jeter au niveau de la tête du défunt. Mais avant qu'il soit enterré? Au moment où il est enterré. Au moment où le lahd est refermé. Au moment où les briques sont mises. Là, à partir de ce moment, on prend trois poignées de sable et on les jette au niveau de sa tête. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, yaqulu al-mu'allif, na'am. J'ai déjà vu quand ils ont enterré une personne, surtout en Algérie, ils font l'ahd, mais pas sur le côté, carrément au milieu. C'est voilà. La tombe. Après, on refait un autre. Ça, c'est à chaque. C'est-à-dire, ils font la tombe comme ça, là. Voilà, ils creusent. Et après, dans le trou, ils refont un autre trou profond. Alors, ça, c'est une des façons de charq. Le charq, ils mettent un peu, comme un coussin, comme un oreiller. Comme un oreiller. Allah, on a vu le temps, ça. Le charq. Très bien, le mu'allif, wa yasunnu ba'da al-farar min dafni umur. Donc l'auteur dit, et il est légiféré, ou fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir enterré le mort, de faire plusieurs choses. الأول أن يرفع أو أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض وذلك ليتميز فيصان ولا يهان لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من الشبر حديث إسناده حسن رواه ابن حبان والبيهقي. La première chose à faire lorsque l'enterrement est terminé, c'est d'élever la tombe du sol et de la lever d'une hauteur d'un empan. Qu'est-ce qu'un empan? Nahwa shibr. Qu'est-ce qu'un empan? C'est la distance entre le pouce et le majeur. Mais comment? Là, c'est une distance entre le pouce et le majeur. Lorsque la main est ouverte, l'empan, c'est la distance entre le bout du majeur et le bout du pouce. Lorsque la main est ouverte. Donc ça, c'est le maximum. Les savants disent que la tombe ne doit pas être élevée du sol plus qu'un empan. Voilà yusawwa bil ard, il ne doit pas être à même le sol. وذلك ليتميز فيصان ولا يهان. Il ne doit pas être aligné au sol, et ceci afin de le distinguer, afin qu'il soit visible, pour être protégé, pour que cette tombe soit protégée et ne soit pas proférée. Les hadiths de Jabir radhiyallahu anhu, la preuve est le hadith de Jabir radhiyallahu anhu qui dit que il a été creusé au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-lahd. On avait vu ce hadith. Quelle est la preuve qu'il a été fait al-lahd au prophète sallallahu alayhi wa sallam? On avait cité ce hadith la semaine dernière. Ahsante. Où les compagnons de Allah anhum se posaient la question, comment est-ce qu'ils allaient creuser la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certains ont dit al-shaq, d'autres ont dit al-lahd. Et ils ont fait al-istikhara, ils ont fait la consultation à Allah subhanahu wa ta'ala et ont décidé de laisser la chose entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit à deux hommes qui étaient connus à Médine, l'un qui était connu pour faire al-lahd et l'autre qui était connu pour faire al-shaq. Et ils ont envoyé une personne pour prévenir chacun d'entre eux en même temps. Et le premier qui arrivera fera ce qu'il a l'habitude de faire. Et celui qui arrivait avant l'autre était celui qui a fait al-lahd. Et les savants ont dit que cela est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala préfère Al-Lahd à Al-Shaq. Non. Donc le professeur sallam, il a été creusé Al-Lahd wa nusiba alayhi Al-Labin nasba, et les briques ou les dalles de terre cuites ont été déposées ou ont refermé sa tombe et étaient déposées ou collées les unes des autres de façon verticale. Et sa tombe a été élevée par rapport au sol d'à peu près un empan. Hadith jugé bon, rapporté par Ibn Hibban et Al-Bayhaq. J'ai une question. Comme blinder la tombe du prophète, parce qu'il y avait deux hommes qui ont essayé de le voler à une époque. Allah alam. Peut-être après, bien après. Bien après, oui, bien sûr. Non, possible. Allah alam. Al-Thani, an yuj'ala musannama. Les hadithi Sufyan, al-Timar, قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. Hadith صحيح رواه البخاري. Et la deuxième chose, c'est que la tombe doit être musannam. Qu'est-ce que signifie musannam? La preuve est le hadith de Sufyan al-Thimar qui dit « J'ai vu la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam étant musannama. » Qui connaît la signification de musannam? Musannam qui vient du terme sanam. Et le terme sanam en arabe signifie là? Non, c'est Asnam. Sanam en arabe signifie la bosse du chameau. Signifie la bosse du chameau. Donc, la tombe doit avoir la forme de la tombe, de la bosse d'un chameau. C'est-à-dire que son milieu doit être plus élevé que ses extrémités. Et la tombe doit être bombée. Elle ne doit pas être au-dessus. Yani de la terre de façon rectiligne, mais elle doit être bombée comme ça. Et c'est cette partie bombée qui ne doit pas être supérieure à un enfant. الثالث أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله لحديث المطلب بن أبي وادعة رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. Hadith Hassan, Rahu Abu Daoud. Et la troisième chose à faire, c'est de mettre sur la tombe un moyen de le distinguer. Un moyen de distinguer la tombe comme des pierres ou des choses semblables. Afin de pouvoir enterrer les proches de ce défunt à côté de lui. Afin que ceux de sa famille et la famille du défunt qui vont mourir par la suite puissent être enterrés à ses côtés. Et pour cela, il faut que la tombe de ce défunt soit reconnue. La preuve est le hadith de Al-Muttalib Ibn Abi Wadi'ah Ibn Abi Wada'ah qu'Allah l'a gréé, qui dit lorsque Uthman Ibn Mad'un radiallahu anhu est décédé. Uthman Ibn Mad'un qui est le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque sa dépouille a été sortie et qu'il a été enterré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un homme d'apporter une pierre. Mais cet homme n'a pas pu prendre cette pierre. Elle était trop grosse et trop lourde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour aller la prendre et il a retroussé ses manches et a laissé apparaître ses avant-bras sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Muttalib a dit: et celui qui m'a informé de cela, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et je regardais la blancheur des avant-bras du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il les a découverts. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cette pierre et l'a déposée au niveau de la tête de la tombe, et au niveau de la partie de la tombe où est déposée la tête du défunt, et le professeur Hassan a dit Ata'allamu biha qabr akhi. Avec cette pierre, je reconnaîtrai la tombe de mon frère. Wa adfunu ilayhi man mata min ahli. Et j'enterrerai à ses côtés ceux qui mourront de ma famille. Hadith autant jugé bon, apporté par Abu Daoud dans ses Sunan. الرابع أن يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل حديث صحيح الإسناد رواه أبو داود إلى كتخيم شوز أفير سي دي سبوزيسوني debout au niveau de la tombe et d'invoquer en faveur du défunt, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir et de lui pardonner et d'ordonner à ceux qui sont présents de faire de même. La preuve est le hadith de Uthman ibn Affan radiallahu anhu qui dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait d'enterrer un mort, il se positionnait au niveau de la tombe et disait demandez le pardon à votre frère et demandez également qu'il soit raffermi, que ses paroles, qu'il soit raffermi dans ses paroles, car il est en ce moment même en train d'être questionné. ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده. Et il est autorisé de s'asseoir au niveau de la tombe au moment de l'enterrement pour faire un rappel à ceux qui sont présents, de leur faire un rappel et une exhortation sur la mort. Donc il est autorisé de s'asseoir à proximité de la tombe et de faire une exhortation, hamoukallah, de faire une exhortation à toutes les personnes présentes pour leur rappeler la mort et que c'est la destination et la fin de chacun. Est-ce qu'il est autorisé de s'asseoir avant? Est-ce qu'il est autorisé de s'asseoir avant? Non. Oui, à partir du moment où la personne n'est pas encore arrivée. À partir du moment où? La personne, le mort n'est pas encore arrivé. À partir du moment où il n'est pas arrivé, il est autorisé de s'asseoir. Non. Le prophète Sarasim a dit d'attabi'atum janaza fa la tajlisu hatta tudha'a fil ard. Le prophète Sarasim a dit lorsque vous suivez un cortège funèbre, ne vous asseyez pas jusqu'à ce que le défunt soit posé à terre. Donc lorsque tu suis un cortège funèbre, il ne t'est pas autorisé de t'asseoir. Il ne t'est pas autorisé de t'asseoir jusqu'à ce que le mort soit posé à même le sol. Même pour celui qui l'attend. Ils l'ont pas suivi, mais ils l'attendent. Même pour celui qui l'attend. Ils ne doivent pas s'asseoir tant que le mort n'est pas déposé à même le sol. Dans d'autres versions du hadith, tant qu'il n'est pas enterré. Mais la version la plus authentique est tant qu'il n'est pas posé à même le sol. Donc la preuve qu'il est autorisé de s'asseoir et de faire une exhortation sur la mort, les hadiths al-Bara ibn Azib radiallahu anhu قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. La preuve est le hadith d'Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu. Et le hadith d'Al-Bara ibn Azib est un hadith très très long, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit de façon très détaillée ce qui attend chacun d'entre nous lorsque son âme quitte son corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit de façon détaillée, que ce soit pour un musulman comme pour un non-musulman. C'est un hadith très long rapporté dans Sunan Abi Dawud et dans le Musnad de l'imam Ahmad rahimahullah. Donc le hadith de Bara ibn Azib, lorsqu'il dit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier sur un homme parmi les Ansar. فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ أي وَلَمْ يُلْحَدْ. Et nous sommes arrivés à sa tombe et il n'avait pas encore été, sa tombe n'avait pas encore été creusée. فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ. Puis lorsqu'il a été enterré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et nous nous sommes assis à côté de lui. وكأن على رؤوسنا الطير. et nous sommes assis et nous étions immobiles comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils assistaient à une assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils restaient immobiles, ne bougeaient pas, comme si des oiseaux étaient sur leur tête. Si un oiseau est sur ta tête et que tu fais le moindre mouvement, il part de suite. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient immobiles par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَفِي يَدِهِ عُودٌ فَجَعَلَ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ. Et dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une main, il y avait un bout de bois par lequel il tapait le sol. Un bout de bois avec lequel il tapait le sol. فَرَفَعَ رَأْسَهُ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi car il réfléchissait, il pensait, il était très pensif. Et quelqu'un qui est assis par terre et avec un bout de bois tape le sol, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui pense très profondément. فَرَفَعَ رَأْسَهُ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa tête et a dit استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiement de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette phrase deux ou trois fois. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. Le serviteur croyant lorsqu'il quitte cette vie d'ici-bas et s'en va vers celle de l'au-delà. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. Des anges descendent alors du ciel, des anges qui ont le visage blanc, comme si leur visage était un soleil. معهم كفن من أكفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة. Et ils apportent avec eux des linceuls parmi les linceuls du paradis et des parfums parmi les parfums du paradis. حتى يجلس منه مد البصر. Jusqu'à ce qu'il s'assoie au niveau du défunt. ثم يجيء ملك الموت. Puis l'ange de la mort vient. حتى يجلس عند رأسه. Et s'assoit au niveau de la tête du défunt. فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Et l'ange de la mort dira ô toi l'âme bonne et pure, sors vers un pardon et une satisfaction d'Allah. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. Et Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu a dit, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et elle sortira, c'est-à-dire l'âme sortira de son corps comme sort la goutte de l'entrée d'un vase. Lorsqu'un vase contient de l'eau, eh bien l'âme sortira du corps de ce serviteur croyant comme une goutte d'eau sort d'un vase, c'est-à-dire de façon très simple et très agréable. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها. Ensuite, lorsque l'âme sortira du corps, l'ange de la mort la prendra. Mais lorsqu'il la prendra, il ne la laissera entre ses mains que le temps d'un clin d'œil. Le temps qui suffira pour ces deux anges, ou pour ces anges qui étaient descendus du ciel, de s'emparer de cette âme. Ils s'empareront alors de cette âme, فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ, et mettront cette âme dans ce linceul du paradis, parfumé de ce parfum du paradis, وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ, وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Et sortira l'odeur qui sortira de ce linceul est comparable à la meilleure odeur du musc jamais présente sur terre. قال فيسعدون بها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ils monteront avec cette âme. فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. et ils monteront dans les cieux, et à chaque fois qu'ils rencontreront des groupes d'anges, ces groupes d'anges diront: mais quelle est cette âme pure, quelle est cette âme bonne? Fayaquluna fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Et ils répondront: c'est un tel, fils d'un tel, et le nommeront parmi les plus beaux noms dans lesquels ou par lesquels il était nommé dans cette vie d'ici-bas. Hatta yantahu biha ila as-sama'i ad-dunya, jusqu'à arriver au premier ciel. Fa yastaftihuna lahu fayuftahu lahum. Et ils demanderont aux anges qui gardent ce premier ciel de leur ouvrir les portes de ce premier ciel. Et ces portes seront ouvertes, leur seront ouvertes. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila as-sama'i allati taliha. Et à chaque fois que il traversera un ciel, les habitants de ce ciel diront de bonnes paroles en sa faveur jusqu'à arriver au septième ciel. Hatta yantahi bihi ila as-sama'i as-sabi'ah. فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في عليين. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dira: écrivez le livre de mon serviteur chez les personnes les plus élevées, c'est-à-dire parmi les gens du paradis. واعيدوه الى الارض, et redescendez-le sur terre. فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم, car c'est d'elle, c'est-à-dire de la terre, que je les ai créés, et c'est vers elle, c'est-à-dire la terre, qu'ils retourneront. وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَوْرَةً أُخْرَى, et c'est de cette terre que je les ferai ressortir une nouvelle fois, c'est-à-dire le jour du jugement. قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ, puis son âme sera retournée dans son corps. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِ, et deux anges viendront alors et le feront asseoir. فَيَقُولَانِ لَهُ, ils lui diront: مَنْ رَبُّكَ, qui est ton Seigneur? Il dira: Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Fayaqulani lah, ils lui diront: Ma dinuk, quelle est ta religion? Il répondra: Din l'islam, ma religion c'est l'islam. Fayaqulani lah, ma hada ar-rajul alladhi bu'itha fikum, ils lui diront: quel est cet homme qui a été envoyé vers vous? Fayaqulu huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dira: c'est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فيقولون له فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. Ils lui diront: quelle est ta science? Il dira: j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et j'ai attesté qu'il était véridique. فينادي مناد في السماء, et alors un appeleur appellera dans les cieux. أن صدق عبدي ففرشوه من الجنة, il dira, cette voix dira: il a dit vrai, ou mon serviteur a dit vrai. Étendez-lui des tapis du paradis. Wa albisuhu min al-jannah, et habillez-le des vêtements du paradis. Wa aftahu lahu baban ila al-jannah, et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Qala fayatiyahu min ruhiha wa tibiha, et il lui parviendra les vents et les parfums du paradis. ويفسح له في قبره مد بصره, et sa tombe sera élargie jusqu'à la portée de sa vue. قال وياتيه رجل حسن الوجه, puis un homme au visage agréable viendra vers lui. حسن الثياب, qui aura des beaux vêtements. طيب الريح, qui aura une odeur agréable. فيقول ابشر بالذي يسرك هذا, بشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. Il lui dira: je t'annonce la bonne nouvelle de la part de celui qui t'a facilité, c'est ce jour qui t'a été promis. فيقول من انت, فيقول له من انت, et cet homme lui dira, ou le défunt dira: qui es-tu? فوجهك الوجه يجيء بالخير, car ton visage est le visage d'une personne qui apporte le bien. فيقول انا عملك الصالح, cet homme lui dira: je suis tes actes pieux. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي, puis le défunt dira: oh Allah, fais que l'heure soit dès à présent afin que je retourne vers ma famille et mon argent. Qala wa inna al-'abd al-kafir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le serviteur mécréant, idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, lorsqu'il quitte cette vie d'ici-bas et s'apprête à connaître celle de l'au-delà, nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun sudul wujuh, descendront alors des anges du ciel qui auront des visages noirs. Ma'ahum al-musuh, ils auront avec eux des vêtements grossiers. Fayajlisuna minhum mudd al-basar, et ils s'assieront à ses côtés. Thumma yaji'u malakul maut, puis l'ange de la mort viendra. Hatta yajlisa 'inda ra'si, et s'assiera au niveau de sa tête. Fayaqulu ayyatuha an-nafs al-khabita, ô toi, et l'ange de la mort lui dira, ô toi, l'âme impure et mauvaise, ukhruji ila sakhatin min Allahi wa ghadab, sors vers un courroux et une colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fatafarraqa fataftariqa fi jasadih. Puis, l'âme parcourra tout son corps. Fayantazi'uha kama yantazi'u al-fusudu min as-suf al-mabloul. Puis, cette âme sera sortie de son corps comme sort une branche épineuse lorsqu'elle est recouverte de laine mouillée. Faya'khudhuha, prenez une branche épineuse, entourez-la de laine mouillée et tirez cette épine, ou tirez cette branche épineuse, vous verrez comme cela est difficile. Faya'idha akhadaha, et lorsque l'ange de la mort prendra cette âme impure et mauvaise, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'aynin hatta yaj'aluha fi tilka al-musuh, et ses anges ne laisseront l'âme, cette âme impure, dans les mains de l'ange de la mort que le temps d'un clin d'œil, et ils la mettront dans ses vêtements grossiers, dans cette étoffe qui est grossière et moche, contrairement au linceul des linceuls du paradis, parmi les linceuls du paradis. ويخرج منها كأن تني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. Et ces habits ou cette étoffe mauvaise et moche sortira de cette étoffe une odeur plus nauséabonde et plus mauvaise que le cadavre d'un animal, que le plus puant des cadavres d'animal présents sur terre. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث. Puis ils monteront vers les cieux accompagnés de cette âme impure et mauvaise, et à chaque fois qu'ils rencontreront des groupes d'anges, ils diront, mais quelle est cette âme mauvaise et impure? Ils diront, فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. Ils diront, c'est un tel, fils d'un tel, en le nommant des pires des noms par lesquels il était appelé dans cette vie d'ici-bas. حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا, jusqu'à arriver aux portes du premier ciel. فيستفتح له فلا يفتح له. Et les anges demanderont à ce que ces portes soient ouvertes, mais elles ne seront pas ouvertes pour lui. Les anges qui gardent ce premier ciel refuseront de leur ouvrir ces portes. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, لا تفتح لهم أبواب السماء, les portes du pas des cieux ne leur seront pas ouvertes. ولا يدخلون الجنة, et n'entreront pas au paradis jusqu'à ce que le chameau ou la chamelle entre dans le chat d'une aiguille. Autrement dit, jamais. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dira, écrivez le livre ou écrivez son livre parmi ceux qui sont les plus bas, c'est-à-dire les gens de l'enfer, فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا, et son âme sera jetée brusquement en étant humiliée. ثُمَّ قَرَأْ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Puis le prophète sallam a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui associe Allah, c'est comme s'il tombait du ciel, ou c'est comme s'il tombait haut du ciel et que les oiseaux le happent, le déchiquent, ou que le vent le précipite dans les abîmes les plus profondes. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ, puis son âme sera retournera dans son corps. وَيَأْتِيَهُ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ, et deux anges viendront alors à lui, le feront asseoir, et lui diront: qui est ton Seigneur? مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَا هَا, il dira هَا هَا, لَا أَدْرِي, je ne sais pas. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ, ils lui diront: quelle est ta religion? فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي, il dira en hésitant: je ne sais pas. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ, ils lui diront: quel est cet homme qui vous a été envoyé? Il dira هَا هَا لَا أَدْرِي, il dira en bégayant: je ne sais pas. فَيُنَادِي مُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. نعم أن كذب أن كذب عفوا فينادي منادي من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. Puis une voix dira: il a menti, étendez pour lui des tapis de feu et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. فيأتيه من حرها وسمومها, et lui parviendra ou parviendra à cet homme dans sa tombe la chaleur et l'eau bouillante de l'enfer. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ, et sa tombe sera rétrécie jusqu'à ce que ses côtes se touchent. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ, et un homme au visage mauvais et effrayant. قَبِيحُ الثِّيَابِ, habillé de façon mauvaise. بُنْتِنُ الرِّيحِ, et qui a une odeur nauséabonde. فيقول أبشر بالذي يسوءك, je t'annonce la bonne nouvelle de ce qui ne va pas te réjouir. هذا يومك الذي كنت توعد, c'est ce jour qui t'avait été promis. فيقول من أنت, il dira qui es-tu. فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر, car ton visage est le visage de quelqu'un qui apporte le mal. فيقول أنا عملك الخبيث, il dira je suis tes actions mauvaises. فيقول ربي لا تقيم الساعة, il dira oh Allah ne fais pas en sorte que l'heure ait lieu. وفي رواية, et dans une autre version, ثم يقيض له أعمى أصم أبكم, et dans une autre version dans le Sunan Abi Dawud رحمه الله, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ثم يقيض له أعمى أصم أبكم, puis il sera, on lui affectera à cet homme un ange aveugle qui ne parle pas et qui n'entend pas. وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا, et dans la main de cet ange il y aura une matraque, s'il frappait avec une montagne, elle serait réduite en poussière. Pourquoi un ange aveugle qui n'entend pas et qui ne parle pas? C'est la pire des compagnies, et c'est un ange qui frappera de toutes ses forces sans voir ni entendre ni pouvoir parler à cet homme qui frappera. Il n'aura donc aucune compassion. Il n'aura donc aucune compassion. Car lorsque tu frappes quelqu'un que tu entends ses cris de douleur, tu peux être pris de compassion vis-à-vis de cette personne. Mais cet ange sera aveugle. Il ne verra pas cet homme pervers, il ne le verra pas souffrir, il ne l'entendra pas souffrir et ne pourra pas l'aider en lui parlant. Et il aura dans sa main une matraque, s'il frappait avec une montagne, il la réduira en poussière. فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً حَتَّى يَصِيرُ تُرَابًا. Et il le frappera une seule fois et sera réduit en poussière. ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ كَمَا كَانَ. Puis Allah subhanahu wa ta'ala rendra son corps ou remettra son corps dans son état initial. فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى. Et il le frappera encore. فَيَصِيحُ صِيحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَانِ. Et lorsqu'il le frappera, cet homme dans sa tombe criera et hurlera, et seul tout le monde l'entendra, hormis al-Thaqalain, qui sont les êtres humains et les djinns. Hadith authentique rapporté par Ahmed dans son Musnad et Abu Daoud dans ses Sunan. Donc c'est le hadith de Bara ibn Azib dans la version de Al-Imam Ahmed rahimahullah dans son Musnad, avec le dernier ajout qui est une des versions de Abu Daoud rahimahullah ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.